Et non, c'est toi qui connais le name. Je blague 2-4-3. Eh, l'Olympia, il est complet, gros. C'est un truc de ouf, mais gros, j'ai un truc pour toi, écoute ça. Yeah. Arrête. Avant, tu dégainais parce que t'étais busy, aujourd'hui, c'est comment? C'est bon. Tu fais que bégayer, tu n'es plus PDG, t'as même pas CDI. C'est bon. Et ça sent la crise. Tu n'as plus de salaire. On t'a dit, c'est pas bon. Toi, tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi, tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi, tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi, tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit. Toi tu n'as pas écouté, oh. On t'a dit. Toi tu n'as pas écouté. Il fallait rester dans ton coin. Toi tu n'as pas voulu. Il fallait rester dans ton coin. Mais toi tu t'en vas comme un voleur. Lé, tu n'as plus d'honneur. Lé, fini le bonheur. Ah là c'est pas bon. T'as plus de boulot. Ah là c'est pas bon. T'as plus de boulot. Avant tu dégainais parce que t'étais busy, aujourd'hui c'est comment? C'est bon. Tu fais que bégayer, tu n'es plus PDG, t'as même pas CDI. C'est bon. Et ça sent la crise. Tu n'as plus de salaire. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. Je sais que c'est la crise qui zone comme un dingue. Je sais que c'est la crise qui zone comme un dindo. Viens on se prend dans la main. T'as besoin d'aide mon ami. Viens on se prend dans la main. Ou je te laisse dans la rue. T'as l'air indécis. Oh mon Dieu. T'es qu'un imbécile. Oh mon Dieu. Barre-toi d'ici. Oh mon Dieu. C'est la fin du récit. Oh mon Dieu. Ah, tu es un bon à rien. Ah, tu es un bon à rien. Avant tu dégainais parce que t'étais busy, aujourd'hui c'est comment? C'est bon. Tu fais que bégayer, tu n'es plus PDG, t'as même pas CDI. C'est bon. Et ça sent la crise. Tu n'as plus de salaire. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. Y'a l'ambiance. C'est pas bon. Toi tu veux pas écouter, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Faut pas trop t'en jaillir, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Toi tu n'as pas écouté, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon. Tu n'as pas écouté, oh. C'est pas bon. On t'a dit, c'est pas bon, t'as pas écouté. Yeah.